Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. Les palmarès C'est fou présentent C'était fou en 2012. Les restants. Bienvenue à l'émission qu'on appelle Les Palmarès, c'est fou présente. C'était fait en 2012. Les restants, hein, ça se dit comme tellement facilement. C'est l'émission accessoire ou amovible dans laquelle on vous présente les positions 25 à 21. Finalement, c'est tout ce qui n'entre pas dans le top 20 de C'était fait en 2012, la compilation de l'année au grand complet, des pièces préférées des animateurs et des auditeurs de C'est fou. Et pourquoi ne pas commencer à l'instant avec les positions numéro 25? Tiens, en anglophone, ce sera Will Driving West avec Painkiller sur leur album Castles. Ça atteint seulement le numéro 4 pendant la semaine du 15 au 21 octobre. Mais avant ça, on débute avec Atomic Baobab en 25e franco. Voici le Viewmaster qui aussi a atteint la position numéro 4 la semaine du 12 novembre. Donc Atomic Baobab tout de suite. C'était faux en 2012, les restants. Y'a pas rien là qu'on n'avait pas vu avant. down your throat. Swallow a bowling ball, a mouthful of 6-inch nails. This pain inside your head is killing me. This pain inside your head is killing me. I won't be the one to say that time heals everything. All I know is true. Well, you wouldn't want me to, though I've been there a thousand times before. Will Driving West et Painkillers en position numéro 25. Ça a duré 8 semaines. Ça a atteint seulement le numéro 4. Et c'était la semaine du 15 au 21 octobre. Avant ça, du côté franco, on a entendu Atomic Baobab et le Viewmaster. Ah wouhou! Ah wouhou! Sur l'album, le Viewmaster, position numéro 4, le 12 novembre. On y va avec les positions 24, toujours dans les restants de C'était fou en 2012. En anglo, c'est Bruce Peninsula avec Chupacabra. C'est un petit peu comme passé... dans l'eau, comme de. Tu sais, on s'en rappelait plus ben, là, tu sais. Si c'était pas d'aujourd'hui, je me rappellerais même plus que ça existait. Donc, mais c'est bon, pareil. Bruce Peninsula et Chupacabra avançant en 24e franco. Lui, on l'oubliera jamais. On n'a aucun choix. On peut pas l'oublier. On travaille avec. C'est Danny Janvier, Bio Bazaar, avec Skyfish Radio Edit. La voici à l'instant sur l'album Oban Contech. Tout de suite. C'était fou en 2012. Les restants. Oh, que oui. Menom, menom, c'est comme de la dinde avec de la farce. Mais des farces plates, parce que c'est moi. Merci, mon brave. Bon. Où en étais-je? Ah oui. Peninsula et Chupacabra. En position numéro 24 anglophone, ça a duré 8 semaines. Ça a été numéro 4 la semaine du 9 et du 16 janvier 2012 sur l'album Open Flames. Avant ça, on a entendu Biobazar et Skyfish qui a duré 8 semaines aussi. Et sur l'album Urban Contact, ça a été numéro 3 la semaine du 22 octobre. Je vous rappelle que vous écoutez C'était fou en 2012, les restants, c'est-à-dire le top 25 à 21. Bon, j'ai une petite heure comme ça, bien sympathique. Avant de continuer avec les positions numéro 23, c'est-à-dire Bernard Adamus et Ox, regarde un petit peu ce qui se passe dans le top 30 Loud, parce que c'est ça, on a pas juste deux top 25, là. T'sais, d'habitude, on aurait un top électronique, un top canadien, un top des albums. Non, là, on a juste un top 30 Loud, ça veut dire du metal. On va regarder la liste très rapidement. Je vais vous faire, parce que ça y va pas par position, ça y va plutôt par nombre de semaines sur le palmarès. Donc, on va y aller d'une rafale d'artistes. On commence par le bas. Forbidden Dimension, Blood Ceremony, Motorhead, Nothnagle, Cancer Bats, Grimskunk, Buffalo Theory, MTL, Antiferum, Thy Catafalque, Soulfly, Exhumer, Iron Maiden, Ram, Cydia, Texas Hippie Coalition, Catatonia, Witchcraft, Goat Whore, Royal Thunder, Testament, Nephilim, Crisian, Throne of Vengeance, 3 Inches of Blood, Titan's Eve. Et si on y va dans le top 5 dans le terme... En termes de nombre de semaines, donc on retrouve Devin Townsend avec Epic Loud, ça a duré 12 semaines. Machine Head avec Unto the Locust a duré 14. Cannibal Corpse avec Torture en a duré 14. Aussi Iced Earth avec Dystopia, 15 semaines. Et finalement, celle qui a passé 22 semaines, c'est The Devil's Blood avec The Thousandfold Epicenter. Voilà pour le top 30 Loud, ce qu'on appelle ailleurs dans les palmarès. On retourne à la position numéro 23. Du côté anglophone, ce sera Ox avec une pièce de leur CD Tuco Indie Rock Radio Nation. Mais on débute en 23e franco. Ça a duré 8 semaines et ça atteint le numéro 2 la semaine du 4 novembre. Voici Bernard Adamus, c'est Arrange-toi avec ça. C'est des fous en 2012, les restants. C'est au 89 FM. Radio Nation par le groupe Ox sur leur album Tuco. C'est la position numéro 23 anglophone. Ça a duré 8 semaines. Ça a été numéro 3 la semaine du 16 janvier. Avant ça, c'était Bernard Adamus et Yaranchois avec ça, qui a aussi duré 8 semaines, qui a été numéro 2 par contre la semaine du 4 novembre. Vous êtes toujours à C'était Fou en 2012. Les restants. Donc c'est le top 25 à 21. On voyait tout de suite avec les positions numéro 22. En anglophone, c'est The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart. C'est bon. Mais avant ça, un autre groupe que j'aime beaucoup, c'est Madame Moustache. Et voici avec Maison Mobile. Ça, c'est fou! 89 FM. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Nothing. Vous aurez deviné le titre de la pièce Give the Devil Back His Heart, position numéro 22 par The Bar Brothers. Ça a été numéro 3 la semaine du 13 février, ça a duré 8 semaines. Avant ça, en francophone, c'était Madame Moustache, Maison Mobile, qui a duré aussi 8 semaines, mais qui s'est rendu jusqu'au numéro 2 de la semaine du 1er octobre. Voilà. Il reste encore quelques minutes à cette édition de C'était Fou. Édition spéciale, en fait, des palmarès C'est Fou. Sous-branche, C'était Fou en 2012. Sous-branche, les restants de, etc. Le reste d'avant, virgule, etc. Bon. Il nous reste les positions 21 à entendre pour l'instant, parce qu'on fait le top 25 à 21 dans cette édition spéciale. Donc, Bell of Skulls va suivre tantôt avec The Devil Takes Care of His Own. On débute en 21e place. Voici Move. Formation locale, Madeleine, au 89 FM, C'est Fou. Dans vos oreilles. De la peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des bris pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai? Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. takes care of his own. Les positions 21. Ça, c'était Bed of Scars avec The Devil Takes Care of His Own. Ça a duré 8 semaines sur l'album Sweet Sour. Ça a été numéro 3 la semaine du 19 mars. Avant ça, Mauve avec Madeleine sur l'album Cinéma Pimoud. Ça a duré 8 semaines. Ça a été numéro 2 la semaine du 5 mars. Voilà. Alors, on a terminé le top 25 à 21. C'était ce qu'on avait prévu faire dans l'émission d'aujourd'hui. Mais il nous reste encore un petit peu de temps. Hein, donc, pourquoi pas reculer en arrière encore un peu. On va entendre Diamond Rings en 18e place anglo tantôt. Alors, on a aussi sauté Chinatown en 19e franco. Donc, voici ce groupe Chinatown, Vivre les pieds nus, qui était numéro 1 la semaine du 8 octobre. Position 19, francophone. C'était fou en 2012, les restants. Carabine sur la cuisse. teach me how to breathe. I'm no son or daughter. I'm nothing, just me. What's the fire? All I want are your lips, redder than rose hips, sleeping next to my desire. Show me what to live for and how to give more, because of you I believe. You and I can foment at the perfect moment, three-dimensionality. Diamond Rings et I'm Just Me, position 18 anglophone. Ça a duré 8 semaines. Ça a été numéro 1 la semaine du 10 décembre. C'est très, très, très récent, même que c'est... C'est encore dans le palmarès, ça? Ça doit être encore dans le palmarès. C'est... On aime ça, les fins de même. Avant, c'était Jonathan, on est vivre les pieds nus, en 19 francophone. Ça a été là 8 semaines. Numéro 1 la semaine du 8 octobre. Voilà. On va se quitter avec la dernière chose qu'on a sauté pour avoir, en fin du compte, joué tout notre top 50 au complet dans les deux émissions. C'était fou et en 2012 et c'était fou en 2012, les restants. Donc, on va se quitter avec Foxy Shazam et I Like It, la position numéro 13 anglophone. Ça a duré 8 semaines sur l'album The Church of Rock and Roll et ça a été numéro 1 du 28 juin au 1er... Du 28 juin à en juillet, parce que les palmarès du mois de juillet, après ça, c'était comme une fois par mois ou mois et demi. Donc voilà, c'était fou en 2012. Les restants, c'est ce qui complète. Ça va être comme ça. On se retrouve en janvier pour une nouvelle saison des palmarès C'est fou avec moi-même et Alexandra Carignan. N'oubliez pas d'écouter les émissions spéciales d'Assemblage requis les 26 et 27 décembre, ainsi que les 2 et 3 janvier de 7h à 9h. Et puis, ben, écoutez le reste de la programmation, c'est fou pendant les fêtes. Il va y avoir de la musique de Noël les 24-25, mais de la musique de Noël alternative et de la musique traditionnelle alternative le 1er janvier. Donc, soyez là pour ça. Puis, ben, passez une belle journée, hein, s'il vous plaît. Hein, demandez de même. Hein? Bye! We'll be right back.